Vous écoutez Futur Simple à l'antenne de CKRL au 89.1 et nous allons explorer le domaine des technologies environnementales. On en entend régulièrement parler, on dit qu'elles vont nous permettre de nous affranchir de certaines technologies ou produits polluants, voire même de nous permettre de développer une économie. Mais finalement, on ne sait pas trop en quoi consistent ces technologies vertes. Nous allons en découvrir quelques-unes qui sont en développement au département de génie chimique de l'Université Laval. Et c'est avec Bruno Gaillet qui est professeur et directeur de ce même département que nous allons en parler. Bonjour Bruno. Bonjour Valérie. Alors Bruno, la dernière fois que vous étiez venu à Futur Simple, vous aviez présenté un peu cette discipline méconnue du génie chimique qui est finalement, en résumé, le développement de procédés à l'échelle industrielle, que ce soit dans le domaine agroalimentaire, pharmaceutique ou des matériaux, des pâtes et papiers et bien d'autres. C'est donc quand même assez varié et surtout c'est très appliqué. C'est un domaine de recherche très appliqué. Oui, il y a beaucoup de nos recherches en fait qui sont faites en collaboration avec déjà l'industrie, donc que ce soit l'industrie comme vous avez dit, agroalimentaire, environnementale, etc. Donc nous on travaille quand même un petit peu dans le domaine fondamental, mais on a vraiment une réalité concrète, c'est-à-dire qu'à la fin, quand on a fini de faire notre process, on a un produit entre les mains. Mm-hmm. Donc on peut vraiment aller voir, enfin pas forcément, j'aime pas le terme, mais aller voir un client, mais plutôt aller voir une compagnie, une entreprise pour essayer de leur dire, regardez, on a développé un procédé avec un produit concret à l'arrivée. Mm-hmm. Donc vous pouvez commercialiser ce produit-là. Ce n'est pas uniquement, on va dire, des publications dans des revues scientifiques. C'est vraiment un produit à l'arrivée qui pourrait être éventuellement commercialisé. Mais même, je me demande, est-ce que le sujet de la recherche lui-même n'est pas, entre guillemets, commandé ou induit par des besoins de l'industrie? Oui, nous, dans notre département, travaillons beaucoup avec des industriels, beaucoup de compagnies. Mm-hmm. Faut pas se cacher non plus, notre financement provient également du privé. Mm-hmm. Donc en plus des organismes subventionnaires fédéraux et provinciaux. Donc c'est certain qu'on on a des contacts très proches avec l'industrie. Il faut savoir aussi que lorsqu'on veut développer des procédés ou même optimiser des procédés de production, généralement on utilise des données qui sont fournies également par l'industrie, ouais. Parce que nous on peut pas faire ça à l'échelle du laboratoire là. Donc ça nous prend des données qui sont fournies par l'industrie, donc c'est pour ça qu'on travaille en étroite collaboration avec eux là. D'accord, donc c'est de la recherche appliquée notamment en technologie environnementale. Alors on va voir ça d'un peu plus près. Dans votre département, on développe par exemple des procédés de fabrication de bioplastique. Alors, on fait quoi? On fait comment pour remplacer, puisque les plastiques sont habituellement fabriqués à partir de produits pétroliers. Donc là, j'imagine que l'idée, l'objectif, c'est d'enlever cette composante pétrolière du plastique? C'est ça. En fait, on a un projet qui consiste à produire justement des bioplastiques, mais par voie biologique. Donc en ce moment, comme vous l'avez dit, les plastiques sont produits par voie pétrolière. Donc ce que nous, on propose, c'est d'utiliser des enzymes, en fait, qui sont des protéines, pour convertir en fait des acides gras. Donc les acides gras, c'est ce qu'on retrouve dans les huiles usées, mm-hmm. les huiles de cuisson, etc., pour ensuite pouvoir les convertir en polymères. Donc des molécules qui ensuite pourront servir à former, par exemple, des sacs plastiques, ce genre de choses-là. Ouais. Donc c'est un procédé qui actuellement est à l'étude. Donc il y a plusieurs chercheurs hors département qui ont essayé de faire ça par voie totalement biologique, c'est-à-dire insérer l'acide gras dans une bactérie qui a été modifiée génétiquement et essayer de faire cette transformation dans la cellule. Donc ça marche quand même assez bien. Le seul problème, c'est que la bactérie, même si on la modifie génétiquement pour qu'elle ne puisse effectuer que cette modification des acides gras, à la fin, on se retrouve avec un paquet de molécules très différentes, mm-hmm. ce qui fait en sorte qu'à l'arrivée, on n'a pas un produit pur. Donc lorsqu'on voudra faire la polymérisation, la fabrication du plastique, mm-hmm. on va avoir toutes sortes de problèmes. Okay. Donc nous, ce qu'on veut, c'est éviter ça. Donc pour cela, ce qu'on propose, c'est d'utiliser les enzymes qui sont uniquement nécessaires à la formation transformer l'acide gras en polymère. C'est ça, de transformer l'acide gras en polymère par une série de réactions enzymatiques à l'aide d'une enzyme en particulier. Donc cette enzyme-là, il faut la produire, la purifier, la caractériser pour ensuite passer aux étapes de conversion de l'acide gras en monomère qui va ensuite servir à fabriquer le polymère. Donc là, en quoi consistaient les recherches au laboratoire? C'était d'identifier cette enzyme qui est capable de faire cette conversion-là? C'était de la produire en grande échelle? C'était de la faire fonctionner dans les bonnes conditions? Du process en tant que tel, c'était de tout faire. C'était de partir de l'acide gras, c'est-à-dire de l'huile usée, jusqu'à la fabrication du sac plastique. Ouais. Donc ça, c'était c'est l'objectif initial. Donc si moi, je reviens un petit peu plus au niveau de la conversion enzymatique, c'est sûr qu'au niveau de l'enzyme, il faut déjà la produire, il faut la purifier, il faut la caractériser, il faut voir comment on peut la faire fonctionner dans des conditions d'opération à grande échelle, mm-hmm. notamment dans des réacteurs enzymatiques. Donc pour cela, il y a beaucoup, beaucoup de défis, notamment tout ce qui est au niveau de l'immobilisation des enzymes. C'est certain qu'on ne peut pas... Immobiliser, pourquoi elles sont en mouvement, ces enzymes ? Bah, si on veut, on considère par exemple la production, la conversion de l'acide gras en monomère, ça serait dans un réacteur. Mm-hmm. Donc si on y va avec un réacteur agité, c'est-à-dire qu'on mélange tout dans une cuve, notre on enzyme... Fait comme une soupe, là, comme on une mélange soupe. Tout. Bon, bah, quand lorsque la soupe est terminée, lorsque la réaction est terminée, bah, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère uniquement notre acide gras et l'enzyme, bah, on voudrait la récupérer parce que l'enzyme, ça coûte cher. Le problème, c'est que ce procédé de récupération d'enzyme-là coûte cher à lui-même. Il faut purifier l'enzyme, ça engendre des coûts. Et sachant que notre plastique, notre produit final, a une très faible valeur ajoutée, ça peut engendrer des problèmes. Donc, ce qu'on préfère faire, c'est utiliser un réacteur où, dans lequel, en fait, on va utiliser une enzyme qui va être immobilisée sur un support. Ok, donc elle est fixée, en fait. Elle est fixée, en effet. D'accord. Donc, dans ce cas-là, l'enzyme, bah, après la réaction, va toujours être dans le réacteur. Il n'y aura pas besoin de la purifier. Dans ce cas-là, il y aura des coûts, les coûts seraient moins. Mais elle est toujours fonctionnelle. Elle a déjà servi une première fois à faire une série de monomères. On récupère les monomères, mais l'enzyme est toujours immobilisée, mais elle est toujours fonctionnelle, même si elle a déjà servi. Elle est fonctionnelle, mais un peu moins. D'accord. C'est-à-dire qu'après plusieurs cycles de fonctionnement, elle perd son activité. Donc le tout, c'est de bien caractériser, on en a cette étape-là en ce moment, c'est de caractériser le nombre de cycles de fonctionnement qu'on peut faire pour utiliser l'enzyme, en fait. Donc là, il y a cette étape de réaction de l'acide gras par l'enzyme qui va faire à partir de l'acide gras le monomère. Donc il y a tout ça à mettre au point. Et ensuite, donc, on récupère le jus là, avec le monomère. Il faut encore mettre au point la réaction de polymérisation pour obtenir des sacs plastiques. C'est ça. Parce que ça ne se passe pas dans la même cuve, là, j'imagine. Non, non. Ensuite, on utilise d'autres instruments qui sont beaucoup plus typiques du génie chimique, si je pourrais dire, ce qu'on appelle des extrudeuses, ce genre de choses-là. Ah oui. Où là, on va faire vraiment de la réaction, on va dire, de polymérisation. Mais là, ces constitutions-là sont un petit peu plus connues. Donc on ne part pas totalement dans l'inconnu. Là. Donc dans ce cas-là, on va arriver avec on a déjà des résultats au laboratoire qui ont été faits avec des monomères qui ressemblent beaucoup à ceux qu'on devrait pouvoir produire et que ça marche très bien lorsqu'on fait l'extrusion. D'accord. Pour produire ensuite des plastiques. On a déjà produit des granules qui avaient des propriétés mécaniques très très intéressantes. D'accord. Donc ça, c'est un exemple ça, de technologie environnementale qui est développée au département de génie chimique. Il y en a un exemple que j'aimerais qu'on aborde, c'est un procédé de capture du CO2 atmosphérique. Donc là, on est dans un tout autre domaine. Donc le CO2 atmosphérique, on le capture comment ? Bah en fait, il y a différentes façons de faire pour capturer le CO2 atmosphérique. Donc là, ce qu'on vise, c'est principalement récupérer le CO2 qui est évacué par l'industrie, là, qui sort d'accord. des cheminées. En fait. Ok, d'accord. Donc c'est pas le CO2, oui, c'est du CO2 qui est dans l'air, mais à un endroit quand même ciblé. Là. Il y a une source. C'est ça, c'est la capture du CO2 qui sort des cheminées industrielles, okay, par exemple. D'accord. Donc il y a différentes façons de faire, et une façon j'aime pas le terme, mais qui est à la mode, comme on dit. Là. C'est utiliser en fait une enzyme qui est l'anhydrase carbonique 2. C'est une enzyme que tout le monde possède, qui est en fait responsable de la capture du CO2 dans l'organisme et qui le convertit en ion carbonate. Donc une fois qu'on a récupéré les ions carbonate, bah, on peut les valoriser, on peut les stocker. Donc ça, c'est une approche également intéressante. On a le même type un peu de problématique qu'avec le premier exemple, avec la conversion des acides gras. C'est toujours le problème d'immobilisation de l'enzyme et le fait qu'elle fonctionne. Donc l'immobilisation affecte quand même l'activité de l'enzyme. Donc il y a plusieurs approches qu'on envisage, notamment soit des immobilisations par voie chimique, avec des liens chimiques, ou par voie biologique. Donc on teste les deux en ce moment, et bon, pour l'instant les résultats sont quand même assez prometteurs. Et dans le temps qui nous reste, j'aimerais qu'on aborde aussi un autre exemple de technologie environnementale que vous développez. Donc celle-ci, c'est de fabriquer des nouveaux matériaux comme des polymères, des photocatalyseurs. Donc en quoi finalement ces polymères ou ces photocatalyseurs vont participer à des technologies vertes ? Bah, par exemple, si on prend l'exemple des photocatalyseurs, ce sont des matériaux en fait qui sont capables de capter la lumière. Et suite à la captation de la lumière, de la capture de la lumière, ce qui se passe, c'est qu'il y a émission de photons qui permettent l'oxydation de matériaux organiques à la surface de ces catalyseurs-là. Donc on s'en sert de ça pour dépolluer les eaux usées, pour dégrader des molécules organiques. Donc ça a beaucoup d'applications environnementales, surtout en traitement des eaux. Donc il y a beaucoup de personnes au département qui travaillent sur les photocatalyseurs, que ce soit pour le développement des photocatalyseurs en tant que tels, parce qu'en ce moment ils sont beaucoup à base de titane, ça coûte très cher. Donc si on veut rendre cette technologie beaucoup plus populaire, il faut trouver d'autres matériaux, d'autres photocatalyseurs. Donc on a des professeurs qui travaillent là-dessus. Et au niveau des polymères, on travaille notamment sur la fabrication de polymères mousse, les fameuses mousses qu'on rencontre un peu partout dans les emballages, mais de façon qu'on puisse les recycler. Parce que le gros problème avec les polymères mousse, c'est que ça ne se recycle pas. Donc là, on essaie de développer des matériaux, justement, qui pourraient être recyclés avec une structure de mousse. Et finalement, bah, on aura la dernière chose, c'est qu'on développe également des piles à combustible. Pour générer du courant, de l'électricité, pour différents types d'applications, que ce soit agriculture, dans les fermes, par exemple, pour... utiliser des piles à combustible à base de lisée de porc, par exemple. C'est quelque chose qu'on fait au département pour justement que la ferme soit autonome d'un point de vue énergétique. Donc, c'est des choses qu'on développe aussi. Mais là, dites-moi, Bruno, parce qu'on voit finalement que toutes ces technologies, toute cette recherche mène à des technologies environnementales. Mais il faut que, donc, en bout de ligne, il y ait une technologie environnementale, mais il faut que la mise en place de cette technologie elle-même soit verte. Il faut que le procédé soit vert également. C'est ça, c'est un des gros défis aussi. C'est comment rendre notre procédé totalement vert. Donc on a des professeurs de département qui travaillent spécifiquement là-dessus, sur comment faire ou quels intrants on doit amener dans notre procédé. C'est ça, il ne s'agit pas d'enlever le pétrole si à la place on met un intrant lui-même polluant, par exemple. C'est ça, donc dans ce cas-là, tous les procédés doivent être pensés. Donc là, on en est rendu là en génie chimique, ou en génie des procédés verts. Ce n'est pas uniquement le produit, c'est tout le process qui est repensé. Donc ça, c'est un des grands défis du génie chimique dans l'avenir. Et tous ces procédés et matériaux doivent nécessairement intéresser l'industrie, et ça fait résonner, ça doit résonner avec certains enjeux économiques, forcément. Oui, on est toujours un peu en lien avec tout ça. C'est qu'on ne peut pas développer un procédé tant que notre produit n'est pas rentable. Donc, on a beau développer le meilleur procédé au monde, mais si au final, pas rentable, mais pas compétitif plutôt, ça sert à rien. Ouais. C'est ça un des problèmes du génie chimique. C'est ça. Ben Bruno, cette incursion au cœur des travaux de recherche du département de génie chimique était fort intéressante. Merci pour la visite. Et donc, je rappelle que nous étions en compagnie de Bruno Gaillet, qui est professeur et directeur du département de génie chimique à l'Université Laval. Merci, Monsieur Gaillet. Merci, Valérie.